Que de talent. Hâtez-vous de profiter des conditions exceptionnelles auxquelles Bonchiguès vous offre cet album pour que s'installe chez vous le rire, la jeunesse, la fantaisie pour toujours, pour toujours, pour toujours. Dès aujourd'hui, retournez-nous le bon établi à votre nom et vous recevrez l'album de 10 grands disques, 33 tours, 30 cm, haute fidélité, pour une partie de son prix seulement. Et de plus, si vous le désirez, vous pourrez sans aucune formalité le régler en plusieurs versements. Alors pourquoi attendre? Postez tout de suite votre bon dans l'enveloppe prévue à cet effet et vous n'avez pas besoin d'affranchir. Bye. Touch base. We'll be right back.

Thank you. shadow of the world. I walk in places that are hidden. I scream in places unknown. I am you, and you are me. walk in places that are hidden. I scream in places unknown.